Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Amen. Amen. Je suis à Béthanie, c'est ça? Amen. Amen. Ne pas toucher. Alors, j'ai touché. Ce matin, nous sommes contents pour ce privilège d'être avec vous. Et j'ai amené mes instruments là aujourd'hui pour une petite démonstration dans mon message. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet éternel. Ça veut dire mon message peut durer longtemps ce matin. Alors, vous ne pensez pas aller à la vie éternelle? Alors, quel est le problème? L'éternité veut dire il n'y a jamais de fin. Amen. Amen. Si vous ne pouvez pas prendre un message éternel, comment vous allez faire pour vivre dans l'éternité? L'éternité, c'est quand Jésus revient, mais maintenant, c'est exact, c'est le temps. Right. Non, ce matin, je vais vous parler de l'amour. Et l'amour est éternel. Donc, ça veut dire, je n'ai pas de moment pour terminer le message d'aujourd'hui parce que c'est l'amour. Eh, je sais que vous êtes intelligent. Vous savez, quelqu'un m'a déjà dit tempérance. Et l'amour, c'est tempérance. Mais notre tempérance, c'est pour l'éternité. Pendant toute l'éternité. Alors, ce matin, et je vais laisser le micro quand même un peu parce que je vais bouger. OK? Donc, je pense que ma voix est assez puissante pour que le peuple ici puisse m'entendre. Amen? Amen. Bon. Alors, ce matin, je commence mon message avec un verset que vous avez dans votre Bible. Vous allez m'aider. Nous sommes dans Job, chapitre 1er. Job chapitre 1er, je vais lire le verset 10. Job 1er, je sais que vous avez amené votre Bible. Ça fait qu'on va pouvoir travailler ce matin. Amen. Amen. Oui, Job chapitre 1er, verset 10, dit quoi? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Mm-hmm. Et ses troupeaux couvrent le pays. Tu l'as protégé. Quand on va regarder ce verset, on va voir que Job, ici, nous explique ce que Satan a dit à l'Éternel. Satan dit à l'Éternel, tu as mis une clôture autour de Job. Ça veut dire, Satan a essayé à plusieurs reprises d'atteindre Job. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que Dieu a mis quoi? Une clôture. Il l'a protégé tout autour. Lui, sa famille et tout ce qui l'appartenait. Voilà le premier point de mon message ce matin, frères et sœurs. Êtes-vous enfant de Dieu? Amen. Vous devez être sûr. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, tout ce qui est écrit dans la Bible vous appartient. Amen. Ça veut dire que dans la Bible, il est dit qu'il y a un bouclier autour des enfants de Dieu. Donc si moi, je suis enfant de Dieu, je dois réclamer mon bouclier. Donc, vous êtes d'accord? Amen. Oui, on n'est pas là? J'établis déjà mon bouclier. Il y a une protection, un bouclier autour des enfants de Dieu. Bon, moi, je vais établir mon bouclier là. Et, oui, donc je dois l'avoir pour cet auteur. Ok. C'est pourquoi j'ai amené ça là, ça pourrait me permettre de... La clôture. Oui, il me faut une clôture. Il me faut une clôture. On pourrait me prendre une chaise là encore, parce que je dois avoir... On y va. Oui. C'est mon message, hein? Il me faut cette clôture. On prend une autre chaise ici, parce que mon espace doit être protégé de tous côtés. Prends-moi une autre chaise, s'il te plaît. Voilà. Je dois avoir mon bouclier autour de moi. Oui. Nos chaises ? Oui. Alors, je vais le mettre comme ça. Oui. Il y a un bouclier autour du chrétien. Vous devez le comprendre aujourd'hui. Je ne viens pas prêcher pour que vous puissiez dire oui, c'est un bon message, amen. Non, je ne prêche pas pour ça. Je prêche pour que vous compreniez et que vous viviez la vie victorieuse au nom de Jésus. C'est pour ça que je prêche aujourd'hui. Il y a un bouclier autour de moi. Bon. Je suis à l'intérieur d'un bouclier. Bon. C'est là que je vis. Qu'est-ce que Job me dit? Il y a quoi? Une clôture autour de moi. La Bible me dit, dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 et 13, « Rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, où ça ? Dans le royaume de son Fils de lumière. » Donc ça veut dire, quand Jésus nous a sauvés, il ne nous a pas tout simplement sauvés, vous nous laissez encore dans l'enfer. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils de lumière. On est là? Ouh, vous n'êtes pas là. On est là? Alors, qu'est-ce que votre Bible vous dit dans Proverbe chapitre 4? Allez-y. Proverbe chapitre 4. On va lire à partir du verset 18. Proverbe 4, 18 dit quoi? Le sentier des justes. Ah! Oui! Proverbe me dit que le juste a un sentier. Vous êtes d'accord? Alors je vais déterminer mon sentier. Le sentier des justes. Ça là, c'est mon sentier. Si vous voulez rentrer là, vous devez être juste. C'est le chemin des justes. Et il me dit là, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Donc, dans ce sentier, il y a constamment quoi ? La lumière. 1 Jean chapitre 5, ou du moins 1 Jean 1er verset 5 me dit, 1 Jean 1er, 5 dit, ah, vous ne l'avez pas encore trouvé. Ah, vous devez être rapide ce matin. C'est pourquoi je vous dis que le message d'aujourd'hui, c'est un message éternel, hein? Ça prend du temps. 1 Jean 1er, 5 dit quoi? Et que nous vous annonçons quoi? Ah ah! 1 Jean 1er 5 me dit que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Si vous voyez qu'il y a des pénombres quelque part, Dieu n'est pas là. Si on dit la nuit, les chats sont gris, Dieu n'est pas là. Toute vérité n'est pas bonne à dire, Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en lui. Donc dans ce sentier de la lumière, le sentier des justes, je sais une chose, c'est que Dieu est là, Dieu est lumière. Quel que soit ce que je dois faire, je dois le faire dans la lumière. Amen. Amen. Maintenant, le verset 7 me dit quoi? Ah, le verset 7 me dit de faire quelque chose, de marcher dans la lumière. Voilà une parole. Je dois donc marcher dans la lumière. Maintenant, je pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Je sais, tout le monde ici sait marcher, mais personne ne sait ça veut dire quoi marcher. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Marcher, suivre le Seigneur. Allez-y, je vous écoute. C'est quoi marcher? Vous savez même pas c'est quoi marcher. Faire des pas. C'est ça que vous marchez, vous écoutez sa voix? Oui, ça c'est merveilleux, oui. Eh bien, c'est exactement ça. Maintenant, regardez ceci. Je vais marcher, dites-moi ce que je fais là. Mais il y a une chose que vous devez vérifier. Dans quelle direction? Il y a une chose ici, et c'est ce qui est important pour moi ce matin. Quand vous marchez, vous ne perdez jamais contact avec le sol. Avez-vous vu ça? Marcher est différent de courir. Quand je cours, il y a un moment où mes deux pieds laissent le sol. Je perds contact. Mais pour marcher, je dois mettre tout le poids de mon corps sur un pied et ensuite mettre tout le poids de mon corps sur l'autre pied et ainsi de suite. Donc je n'ai jamais, jamais perdu le contact avec le sol. Qu'est-ce que le texte me dit là? Ah, vous n'êtes pas là. Marcher dans la lumière. Ça veut dire quoi? Ne perdez jamais contact avec la lumière. Parce que Dieu est lumière. Ne perdez jamais contact avec Dieu. Je suis allé dans l'original. Oui, j'ai parlé de clôture, pas vrai. Ça, c'est ma clôture, pas vrai. Ok. Je suis allé dans l'original. Et j'ai trouvé ce que ça veut dire marcher. Ah ah, vous aviez raison tantôt. Marcher veut dire aller. Ça veut dire vivre. Mais tenez-vous bien. Marcher veut dire mourir. À l'acte de l'hébreu. Quand vous marchez avec Dieu, vos morts avec Christ d'une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre. C'est exactement ça. Marcher. Donc quand vous allez comprendre maintenant, est-ce que Enoch est allé au ciel sans mourir? Oui. Il est mort parce qu'il marchait avec Dieu pendant combien de temps? 300 ans. Voilà la mort d'Enoch. Donc, marcher, dans le grec, péripatéo, signifie se conduire, vivre, se conformer à. Donc, marcher dans la lumière, c'est mourir dans la lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul va me dire, considérez-vous maintenant comme mort au péché et vivant pour Christ. Quand je marche avec Dieu, je suis mort au péché. Question. Si je vais dehors, je vois un cadavre, je le piétine, qu'est-ce qu'il doit me dire? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Maintenant, si j'avance, je te piétine, qu'est-ce que tu me dis? Donc, es-tu mort en Christ? Donc, c'est pourquoi vous avez toute cette querelle, parce que vous n'êtes pas encore mort. Marcher veut dire, donc, mourir aux choses du monde. Ah! Donc, marcher, c'est avancer sans jamais perdre contact avec le sol. Galates 5, 25 dit, on n'est pas là. Galates 5, 25 me dit, je sais que vous n'êtes pas là, là, vous allez, voyez, vous allez permettre à mon message de durer plus. Galates 5, 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Marcher, ça veut dire ne jamais perdre contact avec le sol. Marcher dans la lumière veut dire ne jamais perdre contact avec la lumière. Et la lumière, c'est qui déjà? Dieu. Dieu est lumière. Maintenant, il me dit de marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ne jamais perdre contact avec l'esprit. Vous voyez, dans le sentier de la justice, la lumière est toujours resplendissante. Il y a toujours des choses importantes, des choses merveilleuses à voir. Ne jamais perdre contact avec la lumière, ne jamais perdre contact avec l'esprit. Et quand je dis l'esprit, qu'est-ce que je veux dire par l'esprit? Et Jean chapitre 6, verset 63 me dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hey, marcher selon l'esprit signifie donc marcher selon la parole de Dieu. Quelle que soit la décision que je dois prendre, cette décision doit être d'après l'esprit. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit? Oui, oui, oui, qu'est-ce que l'esprit? La parole. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. J'ai un business, j'ai une décision à prendre. Que dit la parole sur ce business? Je veux me marier. Que dit la parole sur mon mariage? Je veux voyager. Que dit la parole sur ce voyage que je vais faire? Quel que soit ce que je vais faire, je dois avoir comme background la parole. Et quand je dis que ce frère ou cette sœur est spirituel, c'est pas un frère. Alors, il faut faire la différence pour moi aujourd'hui entre être spirituel et être religieux. Oh, oh, je peux être très religieux. Très religieux. Mais je ne suis pas spirituel. Qu'est-ce que c'est que spirituel? Pour être spirituel, il faut être d'après la parole. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, quelque chose qui est spirituel, quelqu'un qui est spirituel, c'est pas quelqu'un qui prie beaucoup. C'est pas quelqu'un qui fait sa leçon régulièrement. Mais c'est quelqu'un qui, toutes ses décisions sont prises à partir de ce que dit la parole. Amen. Amen. Et si la parole me dit de prier sans cesse, pas de problème, je prie sans cesse. Si la parole me dit de chanter, je chante. Mais je dois être sûr que les décisions sont prises d'après ce que dit la parole. Alors, quand je marche dans la parole, je marche aussi dans la vérité. Parce que ta parole est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Avancer sans jamais perdre contact avec le sol. Je marche dans la lumière. Je marche selon l'esprit. Je marche dans la vérité. Donc, je n'ai pas de problème parce que Dieu est ma clôture, mon bouclier. Et là, je peux avancer en paix. Ça, c'est l'introduction à mon message. Parce que mon message est titré « Marcher dans l'amour ». Je n'ai pas encore abouti à l'amour. Alors, j'arrive à l'amour maintenant. Je vois quelqu'un me regarder, sourire, comme ça, hein, c'est ça. Alors, regardez. 1 Jean chapitre 4, verset 8 me dit « Dieu est amour ». Maintenant, c'est important. Quand la Bible me dit que Dieu est telle ou telle ou telle chose, ça doit attirer mon attention. Dieu est lumière, Dieu est esprit, Dieu est la vérité, Dieu est la parole. Maintenant, il me dit que Dieu est amour. C'est ce que 1 Jean 4, verset 8 me dit. Dieu est amour. Mais je suis dans marché aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire marcher? Ah, on a. Marcher, c'est ne jamais perdre contact avec le sol. Et le texte me dit maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 2. Marcher dans l'amour. Alors, c'est ça qui est le sujet de mon message d'aujourd'hui. Tout ça, c'est pour l'introduction. Alors voilà, on entre dans le développement maintenant. Marcher dans l'amour. S'il y a une chose que Dieu ne fait pas, Dieu ne nous demande pas de deviner quoi que ce soit dans la Bible. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Je vais reprendre ce que je dis là, pour être sûr que je l'ai bien dit. La volonté de Dieu pour ceux qui marchent dans la lumière n'est pas cachée. Parce que l'apôtre Paul me dit, nous avons la pensée de Christ. Christ ne peut pas penser une chose et vouloir une autre chose. Si nous avons la pensée de Christ, nous avons la volonté de Christ. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? La Bible. Tout ce que Dieu dit dans la Bible, c'est sa volonté. Que ce soit sur votre guérison, que ce soit sur votre vie éternelle, que ce soit sur votre prospérité, à tous égards, sa volonté est dans la parole. Maintenant, il me dit, marchez dans l'amour. La belle question qu'on va me poser maintenant, qu'est-ce que c'est que l'amour? Dieu est amour. Oui, mais ok, c'est vague. Dieu est amour. Alors Dieu dit, je ne vais pas vous laisser deviner maintenant. Je vais vous expliquer et vous montrer ce que ça veut dire, l'amour. Si vous allez sur Google maintenant, vous tapez amour, vous allez avoir des millions de sites qui disent, voilà ce qu'est l'amour. Et immédiatement, tapez divorce, vous allez avoir aussi des millions qui disent, voilà c'est quoi divorce. Mais il y a un problème, puisque l'amour ne divorce jamais. Je vais reprendre ce que je dis là, parce qu'il y a des choses que je dois reprendre. L'amour ne divorce jamais. Je sais que vous n'avez pas compris, je vais le dire ici. Écoutez, l'amour ne divorce jamais. Quelque chose divorce, mais ce n'est pas l'amour. Ah ah. Ah ah. C'est pourquoi alors on va définir l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Le texte me dit, Dieu ne donne pas sa parole en détail. Dieu vous donne tout en bloc. Qu'est-ce que c'est que l'amour? 1 Corinthiens 13 dit, l'amour est. Vous voyez, Dieu est. Il dit, l'amour est. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est. Deux choses. L'amour, c'est deux choses. La charité, c'est ça. La charité, c'est l'amour. La charité, c'est deux seules choses. Il n'y a pas d'autre. Deux. L'amour est quoi? Patient. L'amour est aimable. Voilà ce qu'est l'amour. Vous voyez, tous les détails, tous les détails, tous les détails s'arrêtent là. L'amour est deux seules choses. Patience et pleine de bonté, aimable. C'est là que tous les problèmes arrivent. Êtes-vous patient envers votre femme? L'amour est patient. Mais qu'est-ce que ça veut dire patient? Patient veut dire être prêt à souffrir longtemps. Combien d'années depuis Dieu est là pour vous attendre jusqu'à ce que vous soyez sauvés? Il y a 2000 ans depuis qu'il a donné Jésus sur la croix. Mais il vous attend jusqu'à ce que vous soyez nés. Et quand vous êtes nés, il est obligé d'être là chaque semaine après vous, Jean-Michel qui prêche pour que vous puissiez accepter sa parole. Et il vous attend. Et même lorsque vous venez, vous faites ce que vous voulez, il vous attend. Dieu est patient. La première chose que je sais, c'est que l'amour, on définit l'amour maintenant, l'amour est patient. Ouh. L'amour est aimable. Plein de bonté, c'est être aimable. Être aimable, c'est quelqu'un qui peut me dire merci quand je fais quelque chose de bon pour lui. Êtes-vous aimable dans la maison? Quand votre femme prépare un repas que vous aimez, pouvez-vous lui dire merci, ou parce que c'est vous qui avez donné l'argent, c'est votre droit de manger. Mangez votre argent. Pouvez-vous dire merci chérie, c'était bon? Quand vous allez visiter quelqu'un qui est malade, prenez-vous le temps d'écouter Dieu qui vous dit merci. Parce que Dieu ne peut pas aller sans vous. Vous apportez Dieu dans cet hôpital. Et Dieu vous dit merci. L'amour est patient. Et l'amour dit merci. L'amour n'est pas... Allez, on est fini. L'amour n'est pas envieux. La charité n'est pas envieuse. L'amour n'est pas envieux. Ça veut dire quoi être envieux? Envieux, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour vous et il attend que vous lui donniez quelque chose en retour. Dieu n'est pas ainsi. Si vous donnez quelque chose à votre mari, parce que vous attendez qu'il vous donne quelque chose en retour, ce n'est pas l'amour. C'est donnant-donnant, ce n'est pas l'amour. Dieu ne vous sauve pas pour que vous lui donniez gloire. Je vais reprendre ce que je dis là. C'est pour ça que Dieu vous a sauvé. Si c'est ça que Dieu attendait, Dieu aurait un problème de gloire. Dieu aurait une carence de gloire. Dieu ne vous sauve pas pour lui donner gloire. Il vous sauve punto final. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré, que je t'aime. Point final. Mais si je t'aime pour ceci ou pour cela, quand ceci ou cela n'est plus là, il n'y a plus d'amour. Si je t'aime parce que tu as de beaux cheveux, quand tu mets le permanent dans ta tête, maintenant tu as une tête maçon, l'amour n'est plus là. C'est pourquoi vous êtes obligé maintenant d'ajouter d'autres choses. Vous avez un budget pour les cheveux parce qu'il aime les cheveux. Si vous l'aimez parce qu'il chante bien, quand il a un problème à la gorge, il ne chante pas. Qu'est-ce que tu fais à ce moment? L'amour n'est plus là. L'amour n'est pas envieux. Ensuite, la charité ne se vante point. Oui, continue. On peut continuer maintenant. On peut les mettre là. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Alors, on peut me le dire maintenant. Je vais les mettre. Ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle pardonne tout. Est-ce que c'est écrit dans votre Bible que l'amour pardonne tout? Non. L'amour supporte tout. C'est le mot qui est pardonné ici. L'amour pardonne tout. Aha. L'amour n'est pas prétentieux. On va revenir sur le pardon. Parce que c'est pourquoi j'ai toutes ces choses ici là pour le pardon. L'amour se réjouit de la vérité. Ah, l'amour ne s'irrite pas. Laissez-moi m'arrêter un moment. L'amour ne se met pas en colère contre sa femme, ni contre son fils, ni contre son mari. Wow, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Parce que vous devez marcher dans la lumière. Que dit la lumière? La lumière me dit, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges. C'est parce que la lumière dit? Ah, on n'est pas là. Si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges. C'est parce que la loi dit? Ah, vous ne savez même pas ça. Matthieu chapitre 5. Et c'est Jésus personnellement qui dit ça. Si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges. C'est comme s'il l'a déjà tué. Il y a le même châtiment. Parce que derrière la colère, il y a toujours la sensation d'éliminer l'autre. Or, Éphésiens 4 me dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Eh bien, regardez, restons dans la lumière. Vous savez, les choses dans la Bible sont tellement claires, pour ne pas les comprendre, il faut quelqu'un pour vous expliquer pour ne pas les comprendre. C'est ce que fait la théologie en bien des cas. Vous aide à ne pas comprendre la Bible. Donc, si vous vous mettez en colère contre votre frère, vous péchez. Jésus qui parle. Et Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire quoi? Ne vous mettez pas en colère contre un frère. Je peux me mettre en colère, mais pas contre ma femme. Parce que ma femme est mon frère. J'ai dit ça à ma fille, dit, mais non, c'est pas ton frère, c'est ta femme. Dit, non, non, ma femme est mon frère. Alors, vous savez, le verset qui vient immédiatement après, le verset 27, dit, où est-ce que je dois diriger cette colère? Et cette colère, la Bible me dit, que le soleil ne se couche jamais sur cette colère. Souvent, on prend ce verset, on dit, je peux me fâcher contre ma femme, pourvu que, arrivé à un certain temps, je dis, bon, chérie, ok, oui, marqué. Et ma femme s'est levée, et elle m'a dit, chérie, t'es un cochon. Et puis, depuis toute la journée, je suis en train de, ouais, c'est un cochon. Et puis, quand le soleil va se coucher, elle vient de dire, chérie, tu sais, tu n'es plus cochon. Sauf que maintenant, ok, je ne suis plus cochon, je vais coucher. Puis le lendemain, il n'y a plus de soleil, maintenant le soleil arrive. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ouais. Pourquoi? Parce que je reste cochon. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de familles qui ont des difficultés parce que cette formule ne marche pas. C'est parce que la Bible veut dire en réalité. Ah ah! Qu'est-ce que la Bible dit? Que cette colère ne se couche jamais. Sur qui? Verset 27. Ne donnez jamais accès au diable. Éphésiens 4, 27. Ne donnez jamais accès au diable. Ma colère doit être dirigée contre le diable, contre la maladie, contre la pauvreté. Mais pas contre ma femme. Pas contre mon mari. Pas contre mon enfant. Pas contre mon voisin. Pas contre mon superviseur. Pas contre mon frère. L'amour ne s'irrite pas. Alors je suis sur le point de finir mon message aujourd'hui. Oui, c'est des gens qui aiment l'éternité, mais l'éternité, et vous voyez, il y a quelqu'un qui a prié, « Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, je veux la patience. Donne-la-moi maintenant. » On n'a pas encore compris. « Seigneur, je veux la patience, mais je la veux maintenant. » Et la patience ne se donne pas maintenant. Ça prend du temps pour avoir la patience, justement. Donc, pour que Dieu puisse répondre à cette prière, ça va vous prendre du temps. Ah! Alors, maintenant, comprenez bien ceci. La Bible me dit, marchez dans l'amour. Là où je dois marcher, c'est dans l'amour. À l'intérieur de l'amour, c'est là que j'ai la joie. Vous savez, quand je suis à l'intérieur de l'amour, je suis en sécurité. C'est pourquoi mon agent de sécurité, c'est ma femme. Quand j'arrive quelque part, la personne qui peut me donner la vraie sécurité, c'est ma femme. C'est votre mari. Ah, on ne va pas rentrer dans trop de détails aujourd'hui, là. Si vous arrivez quelque part, il y a une femme qui vous regarde. Si votre femme est là, vous savez ce qu'elle fait? Elle regarde aussi la femme et immédiatement l'autre femme descend sa tête. Là, votre femme est votre sécurité. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la grâce. Et la grâce est là constamment. Grâce sur grâce. Quand vous êtes dans l'amour, vous avez la force. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible me dit, la joie du Seigneur, c'est votre force. Quand vous êtes dans l'amour, il n'y a pas de jalousie, bien sûr. L'amour n'est pas jaloux. Pourquoi être jaloux? Parce qu'il y a confiance partout. Je te fais confiance, tu me fais confiance. La jalousie, c'est une preuve qu'il y a une faiblesse quelque part. Et l'amour finit le message, parce que l'amour, c'est tempérance. Hein? Mais je n'ai pas peur. Hein? Le fruit de l'amour, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, l'amour, c'est la joie. La douceur. Vous savez, c'est quoi la douceur? La douceur, c'est la force, mais cette force est dans une main de velours. J'ai la force pour te protéger. Mais avec cette force-là, je ne vais pas t'étrangler. Vous voyez, quand un chien vient et prend son enfant au cou, là, mais il ne va pas le tuer, mais bien sûr, parce que c'est la douceur qui agit ici. La force, mais avec une main de velours. Alors, l'amour, c'est la douceur, c'est la fidélité. C'est pourquoi il n'y a pas de jalousie ici, parce que je suis fidèle envers mon mari, fidèle envers ma femme. Et quand il y a l'amour, il y a la prospérité. Dieu ne m'a pas sauvé pour que je reste pauvre sur la terre. Ce n'est pas le salut de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Comment? À tous égards. Donc, dans l'amour, quand je marche dans ce chemin, il y a la prospérité. Est-ce qu'il y a un bobo? Il y a un bobo sur mon corps? La guérison prend ça immédiatement. La guérison est là pour rattraper le problème. Pourquoi? Parce que je dois vivre constamment dans la santé. La Bible dit, jusqu'à la fin de mes jours, je dois être en santé. Quand je marche ici, je marche dans l'autorité. L'autorité, je l'ai au nom de Jésus. Le verset d'aujourd'hui me dit, le commandement c'est de croire dans le nom de Jésus et de marcher dans l'amour. 1 Jean 3, 23, 22 à 24, c'est le commandement d'aujourd'hui. Je crois dans l'autorité au nom de Jésus. J'ai cette autorité. Et je marche dans l'amour. Je marche dans la santé. Je marche dans la bénédiction de Dieu. Et je suis bon. Proverbe 19, 22 me dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Messieurs, écoutez, un homme charmant, c'est un homme qui est bon. Qu'est-ce que c'est que la bonté? Je vous dis, c'est quoi la bonté? Dieu est patience, Dieu est bonté. Voilà l'amour. L'amour, c'est la patience et la bonté. La parole me dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant périsse. Il use de patience, ne voulant qu'aucun de nous périsse. Maintenant, il continue pour me dire, c'est la bonté de Dieu qui attire à la repentance. Ah ah, Dieu ne met pas sa colère pour vous permettre de vous repentir. Dieu ne branche pas son jugement pour dire, si vous n'acceptez pas, vous allez en enfer. C'est parce que Dieu fait pour que vous soyez sauvés. Il manifeste sa bonté envers vous. Et c'est la bonté. Et vous savez, professeur, prédicateur, changeons la chose. Restons dans la lumière. C'est la bonté de Dieu qui attire à la repentance, mais ce n'est pas la colère de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Proverbe 19 dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est qu'il est bon. Sa bonté permet de faire quoi? Quand j'arrive à un moment, je vois que ma femme affiche un comportement que je ne comprends pas. La bonté dit, n'oublie pas, elle est une bonne femme. Si elle n'était pas bonne, tu n'allais pas l'épouser. Tu avais à choisir. Devant 7 milliards d'habitants, tu as choisi cette femme parce qu'elle était bonne. Elle est toujours bonne. Maintenant, mets la bonté dehors pour prendre à l'intérieur ta femme qui est cachée. Derrière tous ces problèmes, elle est là, elle est toujours là. Et le proverbe 18, 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et vous savez quoi? Le même mot qui traduit bonté, c'est ce mot qui traduit bonheur. Ah! Alléluia! La vérité sort de la bouche des enfants, me dit la parole. Pas vrai? Regardez ceci. Le mot hébreu, c'est tov. Celui qui trouve une femme trouve tov. Mesdames, rappelez-vous d'une chose aujourd'hui. Vous êtes tov. Qu'est-ce que c'est que tov? Psaume 118, premier dit, louez l'Éternel car il est tov. Il est bon. Et voilà le mariage. Le mariage, c'est trois versets. Proverbe 18, 22. Proverbe 19, 22. Psaume 118, premier. Voilà le mariage. Les trois me disent qu'il y a tov. L'homme est tov. La femme est tov. Et Dieu est tov. Alors je prends ces trois cordes, ces trois branches, je les mets ensemble, ça me donne le mariage. À l'intérieur de ce mariage, il y a toujours Tov. Je n'ai pas de problème. Là, il y a la patience, il y a l'amabilité, il n'y a rien de malhonnête. Je ne suis pas égoïste, il y a la bonté. À partir de ce moment, l'amour croit tout, il y a la paix. Savez-vous c'est quoi la paix? La paix veut dire rien n'est cassé, c'est le shalom. C'est le shalom. Rien n'est cassé, rien n'est brisé, rien ne manque. Quand on vous dit comment va ta paix, ça veut dire ventre-là. Qu'est-ce qu'il y a ici là? C'est correct, c'est entier. Shalom veut dire être entier, rien n'est cassé. Quand je te dis bon sabbat, je sais, je me rassure qu'arrivé à la maison, tu vas trouver quelque chose pour mettre ici. Ta paix est correcte. Shalom. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je suis en paix. Donc, est-ce que je peux dormir? Oui, je peux dormir en paix. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Question. Est-ce qu'à l'intérieur, ici, vous voyez le divorce? Donc, l'amour, il n'y a pas de divorce là-dedans. Est-ce qu'il y a la peur ici? Vous voyez la peur? Pourquoi? Parce que l'amour parfait bannit la peur. La peur, c'est exactement Satan. Si Satan peut vous faire peur, il peut vous faire n'importe quoi. La première chose que Dieu fait, quand il apparaît quelque part, la première chose qu'il dit, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, ne vous connectez pas avec Satan. Quand il y a la peur, vous êtes branché avec Satan. Le contraire de la peur, c'est la foi. Quand vous êtes dans la foi, immédiatement vous attirez Dieu. Parce que Dieu aime la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, maintenant il faut aboutir. Le message. Il faut descendre l'avion, pas vrai? Il faut descendre l'avion, vous êtes d'accord? Alors, il faut descendre l'avion. Et pour descendre l'avion, il y a un texte qui me dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu est amour, vous êtes d'accord? Oui, vous dormez déjà. Dieu est amour, vous êtes d'accord? Ça veut dire Dieu est patient. Amen. Dieu est aimable. Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu n'est pas égoïste. Dieu ne cherche pas son intérêt. Dieu supporte tout. Dieu croit tout. Dieu espère tout. Il n'y a pas d'orgueil dans Dieu. Donc, si ce verset dit vrai dans votre Bible, 1 Jean 4, verset 17, dit... Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ce n'est pas au retour de Jésus, ce n'est pas tel nous serons. Nous aimons aller dans le futur, mais la foi est dans le présent. La foi est une ferme assurance. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire quoi? Vous savez pourquoi je suis heureux aujourd'hui de prêcher à Béthany? Parce que je sais qu'avec ce message, Béthany n'a aucun problème maintenant. Pourquoi? Parce que Béthany, c'est l'amour. Amen. Amen. Béthany, c'est l'amour. Amen. L'amour est toujours en joie. L'amour ne manque de rien. L'amour, l'amour pardonne tout. Allô? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. L'amour pardonne tout. Et c'est sur cette note que je vais finir mon message aujourd'hui. L'amour pardonne tout. C'est pas une chose. C'est pas quand ça va mal. C'est pas, il n'y a pas un degré. L'amour pardonne tout. Pour comprendre ceci, allons avec moi à Gethsémané. Ou du moins, montons à Golgotha. Jésus est sur la croix. Il est sur la croix. Oh. Il est sur la croix. On est en train de rire de lui. Et voilà. Jésus va dire quelque chose. Au milieu de cette souffrance atroce, les Juifs ont eu, j'allais dire l'audace, de dire, crucifiez-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quoi? Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont dit là. Pour Dieu, ce que tu dis, c'est exactement ce que tu fais. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, condamnez-nous à jamais. Nous serons à jamais maudits. Voilà ce qu'ils ont décidé. Or, Job me dit, quand tu décides quelque chose, ce que tu dis, parce que tu es né de Dieu, parce que tu es fils de Dieu, parce que tu es créé à son image, quand tu dis quelque chose, ce que tu dis arrive. Pourquoi les mauvaises choses vous arrivent? Parce que vous dites les mauvaises choses. Essayez de dire les bonnes choses, vous allez voir, les bonnes choses vont arriver. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas d'argent. C'est normal, vous n'avez jamais d'argent, parce que qu'est-ce que vous dites chaque jour? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je suis un pauvre pécheur. Qu'est-ce qu'un pécheur fait? Il pêche. Chaque jour, il dit, je suis un pauvre pécheur. Qu'est-ce qu'un pécheur fait? Il pêche. Qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce qu'un cocotier donne? Des cocos. Un avocatier donne quoi? Des avocats. Un pécheur donne quoi? Des péchés. Alors, ils ont dit, condamnez-nous à jamais. Et c'est là justement que Jésus va annuler cette parole. Il va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Il vient de dire, condamnez-nous à jamais. Si Jésus n'avait pas dit ça sur la croix, Père, pardonne-leur. Alors les anges de Dieu allaient immédiatement passer à l'œuvre. Ce serait la destruction totale. Mais Jésus a arrêté ça. Et il dit, pardonne-leur. Or, Éphésiens 4 me dit maintenant, comme il vous a pardonné, pardonnez aussi aux autres de la même manière. Ça veut dire, quelle que soit l'immensité de la chose, vous pouvez pardonner. Quand je passe à un tout pour dollar, je vois ça. On appelle ça comment? Vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment? Donc, dans le domaine de la propreté, vous pouvez essuyer combien? Tout. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit parce que, vous voyez, la parole est là devant vous. Hein? Vous essuyez tout. Pardonnez tout. Il y a des tâches, pasteur. Si tu connaissais mon mari, je ne le connais pas. Mais je connais une chose. Il n'y a rien que ce mari a fait que tu ne peux pas pardonner. Pourquoi? Parce que, dans votre Bible, il y a Romains 5, verset 5, qui dit que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu utilise pour vous pardonner, ce même amour, est répandu dans vos cœurs. Vous n'avez aucune excuse devant Dieu à cause de Romains 5, verset 5. Pourquoi je peux partir maintenant en paix? Parce que je sais que vous connaissez la parole. Voilà, Romains 5, verset 5 vous dit, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, ce même tout ça, oui c'est difficile, oui mais tout ça est installé dans votre cœur. Alors vous n'avez aucune excuse. Il y a des problèmes, des grandes fautes. À tout pour dollar, on vend ça. Vous savez comment on appelle ça? Pour les grosses erreurs. À tout pour dollar, oui. Pour les grosses fautes, il y a les grosses gommes. Donc vous n'avez aucune excuse avec tout pour dollar qui est dans la ville, là, vous mettez quand même. Ça essuie tout, ça efface tout. Il y a des choses, c'est coriace. Mais ça vous dit, ça efface tout. Des choses, des fois, ça prend. Ça prend ça, des fois. Hein? Ça prend ça. Mais quand vous prenez ça, vous mettez ça et vous appliquez l'amour sur le four, ça devient clean d'oeil. Clean d'oeil veut dire propre. Clean d'oeil. Oui. Donc, ne me dites pas que vous ne pouvez pas lui pardonner. Si vous saviez ce que cette femme m'a fait, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que l'amour de Dieu est en vous, que le paille de fer est entre vos mains. Le paille de fer, c'est la parole de Dieu. Je sais que vous avez cette crème dans vos mains, la parole de Dieu. Je sais que vous avez l'esprit tout. Je sais que vous avez cette gomme pour toutes les grosses erreurs. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais c'est votre devoir. Parce que Dieu vous a déjà pardonné, de lui pardonner aussi. Amen. Ah, je vais à tout pour dollar. Je vois ça, efface tâche. Mais bon, j'ai mon enfant qui m'a fait une chose. Cette chose-là que mon enfant m'a fait, a taché ma réputation. À tout pour dollar, il y a des effaces-tâches. Donc vous pouvez effacer cette tâche de votre enfant. Et tout pour dollar sera, tout pour dollar sera devant vous pour le jugement. Oh, il y a efface tout. Et toutes les tâches dans les murs, tout pour dollar vous dit, ça va les effacer. Alors allez chez vous, achetez ces choses-là, ne les utilisez pas, mais mettez-les dans le mur. Chaque fois qu'il y a un problème, dites ah non, efface tout, là, attention, essuie tout, pour que vous puissiez les avoir devant vous. Vous n'avez aucune excuse devant Dieu. Amen. Amen. Mais vous savez, il y a des tâches qui sont coriaces. Il y a le Clorox. Il y a les Clorox. Donc, l'amour, c'est tout ça que l'amour fait. Vous n'avez aucune excuse avec le Clorox qui est dans tout pour dollar. Est-ce que je peux partir maintenant? Bon, frères et sœurs, voilà la parole aujourd'hui. Vous n'avez aucune excuse. Quand Jésus sur la croix a dit, sur la croix, Jésus a dit, tétélestai. Tétélestai. C'est un mot grec. Dans Jean 19, 30, Jésus a dit, tout est accompli. Tétélestai. À partir de ça, vous avez la puissance de faire tout. Parce que la puissance est en Jésus. Vous devez croire dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est cette puissance, c'est cette autorité que nous avons. Parce que Jésus est mort sur la croix, aujourd'hui, quand j'arrive à la maison, j'ai quelqu'un avec qui j'ai eu des problèmes énormes. Parce que sur la croix, Jésus a dit, tétélestai. Je prends mon téléphone, j'appelle cette personne, et je lui dis, je n'ai pas besoin de savoir ce que toi tu vas penser de ce que je vais dire. Je n'ai pas besoin de connaître ta réaction. Mais sache une chose. Aujourd'hui, moi, Jean-Charles Bernard, je te pardonne. Tu n'as pas besoin de connaître, tu n'es pas envieux. Tu n'as pas besoin de connaître ce que la personne va dire ou faire, ça ce n'est pas ton problème. Une chose est sûre, parce que Jésus a dit, tétélestai, moi j'ai le pouvoir de te dire aujourd'hui que je te pardonne. Il n'y a plus de lutte d'intérêt entre nous. Vous voulez prendre la maison, prenez ça. Vous voulez la voiture, prenez tout ça. Quel que soit ce que vous voulez prendre, prenez. Mais moi, je te pardonne. Parce que je vis dans l'amour. Et vous devez savoir une chose. Quand je vis dans l'amour, il n'y a aucun manque. Aucun manque. Parce que quelque chose me dit là, il n'existe pas de difficulté qu'assez d'amour ne puisse vaincre. Pas de maladie qu'assez d'amour ne sache guérir. Pas de porte qu'assez d'amour ne puisse ouvrir. Pas de précipice qu'assez d'amour ne soit capable de franchir. Pas de mur qu'assez d'amour ne soit capable d'abattre. Pas de péché qu'assez d'amour ne rachète. Si grave que soit votre préoccupation, si désespéré que soient les apparences, peu importe. Si embrouillé que paraisse votre problème, si grande que soit votre faute, rien de tout cela ne subsistera si vous prenez suffisamment conscience de ce qu'est l'amour. Amen. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous aime beaucoup aujourd'hui. Amen. Et je vous aime de l'amour de Dieu. Et je vous invite à laisser cet amour. Vous savez, Jean 17 dit que cet amour est en vous. Et Romains 5 dit, c'est répandu. Vous voyez, quand vous prenez le beurre d'arachide, vous le répandez sur une tranche de pain, c'est exactement ça, l'amour de Dieu en vous. Alors utilisez donc cet amour. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier, pour partir. Notre Père et notre Dieu, nos cœurs se tournent vers toi parce que tu es un Dieu d'amour. Et tu as fait de nous des enfants d'amour. Tu es la lumière et tu fais de nous des enfants de la lumière. Tu es esprit et tu nous as créés par l'esprit. Tu es la parole et tu nous as régénérés par ta parole. Et tu nous demandes d'être les imitateurs de Dieu. Ô notre Père et notre Dieu, en ce moment nous nous présentons devant toi comme des enfants bénis parce que la bénédiction de l'Éternel est sur nous. Nous nous présentons devant toi comme des enfants de lumière, parce que nous marchons dans le sentier de la lumière. Et nous voulons unir notre cœur aujourd'hui dans l'amour, selon le commandement que tu nous as donné, de croire dans le nom de ton Fils Jésus et de nous aimer les uns les autres. Père, voilà ton peuple devant toi en ce moment, uni par ce parfait lien d'amour. Et nous voulons ensemble, Père, faire monter devant toi cette tribu de reconnaissance pour ce que tu es et pour ce que tu as fait de nous. Et dorénavant, Seigneur, nous prenons cette résolution de marcher dans la lumière, de marcher dans l'amour, de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, tout comme Jésus nous a pardonné de tout ce que nous l'avions fait. Nous prenons la détermination, Père, d'être des enfants de lumière et partout où nous passons, là où les ténèbres gisent, que notre lumière puisse briller, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et que toute la gloire revienne à notre Père qui est dans les cieux. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité maintenant sur tout esprit maléfique qui rôde cette salle. Car là où il y a l'amour, l'amour parfait bannit la peur, bannit le diable. Nous prenons cette autorité et nous allons maintenir ce lien entre nous pour que le malin puisse toujours rester à l'extérieur de ce cercle et que l'évangile puisse prêcher pour les âmes puissent rentrer au bercail, se préparant ainsi pour le retour de notre Seigneur de gloire. Que la bénédiction de l'Éternel se répande sur nous tous, que la gloire de Dieu se répande sur chacun de nous, que la puissance de Dieu se répande sur chacun de nous, que la bonté de Dieu se répande sur chacun de nous et que nous devenions ce parfum d'agréable odeur pour exprimer la bonté de l'Éternel qui attire à la repentance. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen.